Le miroir au perron. Sous la lune au perron, je suis le chemin vert de reflets qui nous tordent dans l'eau coule l'imparfait. Miroir, racontes-tu l'après? Vol de la psyché, les yeux qui s'ouvrent sans regret, canaux de pleurs salés. Faut-il fuir le temps du sang trop marqué, comme l'adolescent qui entend palpiter